pièce numéro 9. Si, si, hein, represent. Propagande légale, hein, ok, ouais, ok. Pièce numéro 9 sur propagande légale, si, si, represent. 7860 MLR, hein, ok, ouais, hein, ok, hein, ok. Tiens sur un beat ferme, sur un beat lourd. Pas pour retourner la veste et pas pour faire le mec sourd. Ok, toujours là pour dénoncer, pour rehausser mon frère. Le niveau intellectuel de cette terre, ouais. Rien à péter des gens qui fouillent nos nouvel opus. Rien à carrer si tu critiques, car je suis en place. Une société opaque, un système rapace. Encore une fois, je te mets une claque, je suis loin d'être à la machasse. Leur idée malsaine, disquette programmée. Leur idéologie, ils parsèment. Je la porte à l'armée, c'est nique le système et leur mode de vie pourri. Faut que tu vives tes rêves et non rêver ta vie. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique le business et les sons commerciaux. Ouais, propagande légale, propagande légale. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique leur système, leur société bancale. Ouais, propagande légale, c'est propagande légale. J'suis loin d'être un faux cul, comme Sarko est un faux cou. Mais les gens se font con, car ils effacent tout. J'tire sur la sonnette d'alarme, y'a tout qui part en vrille. D'un orphelin aux larmes, aux pédophiles qui aiment trop les jeunes filles. J'dénonce ta société à base de faits réels, qui donne des fours à elle. Propagande de phéromones, si mes mots étaient des balles, ils seraient déjà tous morts. Les cris c'est de la bombe, j'les tue tous à coups de métaphore. Si pour toi c'est trop complexe, si en son tu t'en sors, car des fois je te laisse perplexe et ça c'est mon point fort. Je rappe, j'ai choses à dire contre leurs normes et leurs lois. Si dans ce monde tout allait bien, tu n'entendrais plus ma voix. J'suis pas là pour faire mon ouf et pas pour parler de la rue, car seul est vrai, ça qu'au bout d'un moment elle te tue. C'est propagande légale qui vient squatter ton MP3, car tu connais la devise, c'est jamais 203. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique le business et les sons commerciaux. Ouais, propagande légale, propagande légale. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique leur système, leur société bancale. Ouais, propagande légale, propagande légale. La loi n'est pas loyale, les rois sont déloyales. Les mois sont saisonnales, autant que nos chefs ont des trous de balles. Certaines lois sont débiles, dans la connerie elle déboule. L'inégalité elle déballe. Ça arrive dans nos disquettes, le nouvel ordre mondial, ça va être notre fête. C'est propagande légale, ça fait des pépettes sur ton réseau mondial. Il s'appelle internet, c'est de la propagande légale. Des soldats sont morts, Sarko lâche une petite larme. C'est lui qui les envoie, c'est de la propagande légale. Te disent d'aller voter, comme tu réfléchis mal. Donc ils sont sûrs d'être élus, c'est de la propagande légale. Les pubs McDo, la télé, la mode, leur loi commerciale. Le 20h et le quintet, c'est de la propagande légale. Certains deals pour nourrir la famille, c'est illégal. Ils vendent des armes légalement, c'est propagande légale. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique le business et les sons commerciaux. Ouais, propagande légale, propagande légale. C'est propagande légale dans ton système auditif. Propagande légale, il faut que tu sois réceptif. Nique leur système, leur société bancale. Ouais, propagande légale, propagande légale. Ok, pièce numéro 9-2008, tu représentes. Propagande légale, si, si. Sur Babylon, système, c'est Firebomb them. Ok, huh. Ok, nique le système. Moins d'inégalité, plus de fraternité sur cette terre, si, si. Ok, je vais prendre le message, mon frère. Je vais passer le message, ok.